l'Allemagne fut-elle responsable du déclenchement de la Première Guerre mondiale? L'article 231 du traité, signé à Versailles le 28 juin 1919, affirme que seul le Reich allemand et ses alliés ont été responsables du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Malgré les protestations du ministre des Affaires étrangères allemand de l'époque, cette thèse servit d'argument majeur au gouvernement français pour exiger de l'Allemagne des réparations d'un montant exorbitant. La Kriegsschuldfrage, littéralement la question de la responsabilité dans la guerre, fut un problème majeur dans la courte histoire de la République de Weimar, née sur les décombres du Deuxième Reich. Même si les Alliés avaient fait la différence entre l'État impérial et le peuple allemand, le fait que l'Allemagne soit dénoncée comme coupable et mise au ban de la communauté internationale alimenta un fort sentiment d'humiliation collective. Le nouveau régime pouvait d'autant moins accepter la thèse de la culpabilité allemande que l'extrême droite captait à son profit les émotions collectives ancrées dans ce sentiment d'humiliation pour alimenter la propagande du national-socialisme. La République de Weimar a donc mis en place, dès 1919, une commission composée d'historiens, d'hommes politiques et de diplomates pour tenter de répondre aux accusations du traité de Versailles. La question de savoir si l'Allemagne était ou non responsable de la guerre n'était pas scientifique, mais politique. Les historiens allemands qui ont accepté d'y répondre se sont placés dans une position impossible, car ils ne pouvaient pas avancer des arguments prouvant la responsabilité de leur propre pays sans être aussitôt dénoncés comme des traîtres à leur patrie. Du coup, la plupart de ceux qui ont participé à cette commission ont cautionné la version officielle dédouanant totalement le Reich. Il faudra attendre près d'un demi-siècle pour que s'impose peu à peu au sein de l'université allemande une perspective plus critique sur ce passé douloureux. L'historien qui a fourni une contribution majeure dans cette relecture s'appelait Fritz Fischer. Dans son livre sur les buts de guerre de l'Allemagne impériale, publié en 1961, il a montré le rôle essentiel joué par le lobby militaire allemand dans le déclenchement du premier conflit mondial. Ce fut le point de départ des recherches qui convergent aujourd'hui pour conclure que l'Allemagne a été l'acteur principal dans le démarrage d'un conflit que les autres grandes puissances européennes ont néanmoins accepté, alors qu'elles auraient pu l'empêcher. À partir des années 70, la nouvelle histoire sociale, animée par des historiens comme Jürgen Kocka, a pris ses distances avec un type de raisonnement qui restait pris dans une logique d'expertise visant à dégager les responsabilités des uns et des autres. La question des origines de la guerre et des origines du nazisme a été alors replacée dans la longue durée de l'histoire allemande. C'est ce qu'on appelle le Sonderweg en allemand. Après l'échec de la révolution de 1848, l'Allemagne a emprunté un chemin particulier de développement qui explique que ce pays se soit modernisé sans se démocratiser, au contraire de la France, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis.